Ok, vas-y, reprends. Ok, vas-y, reprends. Choisis reprends. La substance. Reprends les choses, je te dis. Reprends les choses. Illicite substance. Oh. Oui. Putain, faux. Ok. Vas-y, non, refais la même. Vas-y, la même, pote. Mais j'ai pas changé, t'inquiète. Ok. Interlude. Vas-y. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Interlude. Yeah. Alma One. Ah oui, c'est Alma One. C'est le interlude. C'est nous, Alma One sur le projet 8849. Ok. Yeah. La def me pousse à prendre le stylo beat. Stick au bec, j'assassine le beat à la manière de Jacques Mérine. Ah ouais, chaque chose se mérite. Mais dites sur les gars qui s'empiffrent. On dirige 1000 avec un salaire triple. Et ça y est, je trip. M'en bats le pour des thunes. J'suis déçu. Savoir qu'à l'état des culs, que l'état récup. Pour que les gars s'occupent des gosses qui fument dans les rues, qui tuent les rendent les murs. Bourré le tag, j'ausculte. Non, pas le beat, mais la shit où je vis. Je vais pas te mentir, l'inspire à faim. Alors la chiche nourrit. La vie nous dit, le travail paye avec le temps. Je m'arrache les dents quand je taffe maintenant tout ce que j'attends. C'est la petite souris, je rime pourrie. Luminer le double H. Rap et mes faces te font jouir comme Lisa Anne. Je vise la taille du Mont Everest. De la bombe de texte, c'est Alma One, bro. Yeah, yeah, c'est Alma One et c'est l'intérêt. Levez les bras, mon mic est chargé. Mec, je suis armé, pas de plaisir charnel. Écoutez chaque texte et puis parler. J'ai bossé mon phrasé, pesé le poids de chaque mot à la lettre. Donc impossible de perdre pour nous, comme voir un poivreau à la mec. J't'envoie 16 bastos à la tête. J'm'en balance de tes pensées. J'peux tout prendre dans ma lancée comme un paquebot à la mer. J'envoie les travelots, les charlots, les cassos à la mer. De toute façon, quand les wackos rappés se prennent des râteaux à la pelle. Et si en cadence je fais danser, comprends que ça m'avancerait. Du temps j'en perds à penser quand j'vois que tous ces gars sans thème. Dans les go trip, le rap sans thème. J'préconise les faces sensées pour au mic. Vous offensez, tapez des gros titres de rap français. Yeah, Alma des gros titres de rap français. 2014, Brrrah!